بسم الله الرحمن الرحيم. الدعوة السلفية، الدعوة السلفية تقدم لكم الولاء والبراء والعلوص والدزافو للشيخ الفوزان حفظه الله تعالى. تخرج كومنتي بار ابو تيمية خليل المحتنكي حفظه الله تعالى. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، اما بعد. نعم، اخر درس اخذنا اقسام الناس في الولاء والبراء، كم قسم فيه؟ كم كاتيجوري؟ اها، نعم. والصالحين صديقين والشهداء، هذا الذين نحبهم محبة تامة لأنهم مؤمنون ومستقيمون. ثانيا، القسم الثاني لازم كاتيجوري كفر محض، كفر أصحاب الله أصل الشرك والكوف والنفاق وردة وغير ذلك، وما حكم عليهم؟ كيف نتصرف معهم؟ البعد. نعم، eux on les déteste totalement car sont les kuffar. والقسم الثالث مع حقوقي، مع حقوقي البعد في قلبي، لكن نستعمل حقوقي، يعني نحبه من وجه ونبعده من وجه. وليس الحب التام ولا البغض التام، بحسب على قدر استقامته وسلفيته وغير ذلك. Lui c'est on l'aime d'un côté, on déteste de l'autre par rapport à ses péchés et par rapport à sa perversion et son innovation. مهما كان قلنا أن هذا له حق المحبة الإيمانية. Il a quand même droit à l'amour. Encore le droit à l'amour. طيب، هناك من أبدأ أنا أحب أن أقرأ عليك كلاما أو شيئا من كلام الشيخ الإسلام تيمية ما يتعلق بأثر الإيمان في القلب في المعاملات الظاهرة. Les choses qui démontrent la foi dans le cœur, l'influence qu'elle peut avoir sur les actes apparents. Et justement cette alliance, ce désaveu pour celui qui l'émane dans le cœur. فقال في مجموع الفتاوى: تمام، قال: فلا يجوز أن يدعي أنه يكون في قلب إيمان نافيا في الكفر بدون أمور ظاهرة. Donc il dit qu'il n'est pas permis de prétendre d'avoir la foi dans le cœur. C'est ta foi qui s'oppose au kufr, si ce n'est avec des choses apparentes. Il y a des signes apparents qui doivent se voir. إلا أن قال وذلك لأن القلب إذا تحقق ما فيه أثر في الظاهر ضرورة لا يمكن انفكاك أحدهما عن الآخر. Car si jamais le cœur lui réalise ce qu'il contient, cela influera sur le côté apparent et qu'il n'est pas possible de séparer l'un de l'autre. C'est-à-dire la graine dans le cœur, les actes apparents. Tu ne peux pas avoir dans ton cœur et ça n'apparaisse pas sur toi. Tu ne peux pas les séparer. Tu ne peux pas dire c'est dans mon cœur, mais ça, nous on ne le voit pas, on est obligé de le voir. Il y aura forcément des choses qui vont laisser déceler ce qu'il y a dans le cœur. Bien que ce qu'il y a dans le cœur, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui le sait. Mais celui qui a du khayr, de l'ikhlas ou quoi, ça va se voir. Il y aura des indices qui vont indiquer. Et le contraire kazalik. ثم قال فإذا كان في القلب حب الله ورسوله ثابتا استلزم موالاة أوليائه وموالاة أعدائه. ثم قال ذكر قول الله تعالى ولا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر الآية، وذكر قول الله تعالى ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي ومنزل إليه ما اتخذوهم أولياء. فقال فهذا الالتزام أمر ضروري. Donc il dit quoi? Que si dans le cœur il y a de l'amour pour Allah et pour son messager, cela va forcément inclure une alliance pour les alliés d'Allah et de la haine et un désaveu pour ses ennemis. Ensuite, il cite la parole d'Allah dans le sens où il dit que tu ne vois pas un peuple qui croit en Allah au jour dernier aimer ceux qui s'opposent à Allah et à son messager. Le verset. Et également le verset dans le sens où il dit que si jamais en parlant de Bani Israël, que s'ils croyaient en Allah et au messager, est-ce qu'il lui était révélé, ils ne les auraient jamais pris comme alliés par des koufars. Donc il dit, cela est une chose, yani, qui revient de la daroura. Ce que tu as dans ton cœur, mine daroura, même en yavhar, fi mu'amalatik. Ça va se voir dans tes actes. Donc quelqu'un qui dit qu'il a l'imène dans son cœur, cet imène qui contredit le kouf, en lui, obligé, qui va s'allier aux alliés d'Allah et qui va se désavouer de ses ennemis. Parce que des gens disent j'ai la foi. Même les koufars disent j'ai la foi. Voilà. Mais c'est pas l'imen alladhi afradallahu ala ibadi. C'est pas celui-là. Ça, c'est la foi qu'ils prétendent. C'est pas cette foi-là dont on parle. On parle l'imen billah et wa malaikati wa kutubi wa rusuli wa l'um akhir wa al-qadar khayri wa sharri ma arkani sitta. الإيمان التام طيب فمن هنا après qu'on ait terminé justement de lire les paroles de Shir des questions lui ont été posées puis retranscrites dans ce livre فنحن سنقرأ بعضها ليس كلها طيب لأنها كثيرة وبعضها مكررة وبعض وتعطيش كما قلت لك للتنبيه لكن من الشيخ ليس مني on va pas toutes les prendre certaines sont, se répètent également certaines comme je dis contiennent des ishkel qui mériteraient d'être éclaircies par le shir lui-même des choses qui pourraient dire qui ont besoin de tofsil d'accord moi je connais mon stawa et par rapport à ça c'est le shir lui-même qui pourrait dire ce qu'il a voulu dire par là moi j'ai pas l'azam shir al-fawzan j'ai pas de tala à la koul koutoubé j'ai pas lu tous ces livres ni ce genre de choses. Il y a des choses, même des fois un alim peut dire une chose et un jour il peut se contredire, ça peut arriver, c'est un être humain. Ou des calèmes qu'il peut avoir, dans l'apparence, elles amènent à une compréhension et lui il vise autre chose par là. Et ça c'est tofsil, il n'y a que lui qui peut le donner, son calème. Ou d'autres ulama. Ou des gens qui l'ont l'azem qui savent, une fois il a dit ça, mais après il a dit ça, il explique comment lier entre les paroles. Là c'est pas mon cas à moi. Donc certaines questions, khaliya à la jam. Amen. Naam. فبعد هذا قال سئلا on va essayer de les traduire et plus vite possible يعني sans dire tout arabe français parce qu'il y en a pas mal par gain de temps faut essayer de gain de temps يعني la question qui est posée c'est de quelle façon peut-on s'allier à nos frères musulmans dans les pays subissant l'injustice comme la Palestine comme la Somalie à l'époque ou la Bosnie ce genre de pays. Donc il dit lui, par rapport à ça, il répond, en premier, le musulman qui soit, il faut que tu l'aimes dans ton cœur. Invoquer pour lui. Qu'Allah le secours, la guider, qu'il lui accorde le succès. Et que tu peux les aider comment? Financièrement. Par le biais de matériel kazalik. Hein? Tu ne leur fais pas venir des biens. Car il y a différents organismes qui sont mis en place pour cela. Mais là, il y a un tambih, c'est que cet organisme, t'en as plein, se met dans les poches. Ou les deux ports revenant droit. Par exemple, souvent on a été informé qu'en Palestine, plein de gens envoient de l'argent et pourtant l'argent il n'arrive pas à ceux qui le méritent. D'autres gens qui le prennent, on ne sait pas ce qu'ils font avec. Donc c'est un truc qu'il faut faire attention. Quand tu veux aider des gens, en général, où qu'ils soient parmi les musulmans, si tu peux avoir affaire au revenant droit directement, fais-le. Ne passe pas par des intermédiaires. Pas d'association, pas ce genre de choses. Car ces gens-là, ils vont se comporter avec ton argent comme peut-être toi tu ne l'as pas voulu. Donc tant que tu peux donner l'argent directement à la personne ou ce que tu veux donner à la amana, fais-le. Maintenant tu n'y arrives pas, renseigne-toi si cette personne-là n'a pas confié la tâche à quelqu'un pour lui. Arrange-toi toujours pour éviter les intermédiaires entre toi et la personne. Parce que ton argent, il se peut qu'il disparaisse là où tu ne veux pas. Et ça, c'est fréquemment arrivé, malheureusement. Sinon, ces gens qui se mettent en avant, qui disent donner pour la Palestine, donner pour quoi, comme ça, l'argent, c'est pas où ce qu'il arrive. Il est indemne, rahimallah. Et même si on dit qu'eux, ils veulent le faire, une fois qu'ils arrivent là-bas, tu sais pas ce qui se passe. Parce qu'il y a tellement de brouillards, des gens qui ont des mauvaises mu'amalat là-bas, qui ont des mauvais qasaïd, faut dire le haq, même s'ils sont opprimés, les frères, il y a des gens qui servent de ça là-bas, pour s'emplir les poches, pour faire ce qu'eux ils veulent, comme eux ils le veulent. Donc ils prennent l'argent, et ils s'en servent comme eux ils le voient. Pas comme la personne a voulu l'envoyer. Donc, hada yuntabah. Ou dans d'autres cas, tu vois, dans d'autres cas. Ou c'est arrivé à des mèches, des gens ont voulu être intermédiaires pour avoir l'argent à des mèches. Il y avait une association qui s'appelle Dinul Haq, ils ont voulu faire, je connais pas Sania, tu vois. Et comme d'hab, ils font les choses comme eux, ils le veulent. Donc, ça n'a pas raté. Ils ont pris une partie de l'argent qui devait être donné pour les gens des mèches, et a été donné à un des Hizbis qui combat la Darwa Salafia, soi-disant, pour qu'ils donnent aux blessés des mèches ou quoi. C'est adib, tu donnes l'argent à des gens contre qui? Pour aider les gens qui mettent en garde contre lui. C'est une façon, franchement, on ne sait pas comment les gens réfléchissent. Hein? Toi, demain, toi et moi, on est en conflit. D'accord? Et toi, je veux. Toi, tu es en problème, des gens veulent t'aider. Est-ce que tu penses qu'il est logique qu'il passe par moi pour t'aider? C'est illogique. On est d'accord. On dit lui, il met en garde contre lui, donc il ne fait pas confiance. Donc comment vais-je confier cet argent-là pour lui remettre? Tu vois ce que je veux dire? Ça, c'est vraiment pour dire que, voilà, quoi, les gens, comment ils réfléchissent, on se demande c'est quoi leur cause. Il faut faire attention quand des gens te donnent une amana pour des gens, que tu sois une jamaïa ou autre, fais attention à ce que tu vas faire avec cet argent-là. Cet argent, il n'est pas à toi. Les jamaïas, souvent, ils ne font pas attention à ça. L'argent qu'on t'a donné n'est pas à toi. Celui qui a fait une sadaqa, il a dit je vais le donner pour telle et telle personne, ou tel et tel descriptif. Donc toi, arrange-toi pour que cet argent-là parvienne aux gens. Ou sinon, la meilleure chose pour toi, c'est retire-toi. Car le meilleur client sera interrogé. Qui t'a dit de faire ça? Est-ce que tu es sûr que l'argent arrivait aux gens? Parce que tu as pris l'argent des donneurs de toi-même. Hein. Tu t'es mis en avant de toi-même, on t'a rien demandé, pour le donner au revenant droit. En tout cas, tant que tu as moyen d'aider tes frères, fais-le. Fais-le. C'est ça ce qui parle de A, si tu n'as rien d'autre. Et tu as un moyen. Hada min al-musharaka fi al-jihad wa fi munasaratihim. D'aider tes frères. Dès que les frères ils sont dans une situation difficile et que tu as moyen de les aider, aide-les. Et il ne faut pas négliger. Des fois, des frères disent ouais, j'ai pas grand chose, ce genre de choses. Voilà, même le pas grand chose que tu as, si tu arrives à le donner, inamal amal beniya. Il suffit que 10 frères qui n'ont pas grand chose, crois-moi, ça fait beaucoup pour quelqu'un qui n'a rien à la base. Quelqu'un qui n'a rien, même pas grand chose, crois-moi, ça fait plaisir. Hein. Des gens, ils s'imaginent que tu ne donnes pas, je sais pas, moi, une somme énorme, tu n'as rien fait. Non, tu as des gens qui n'ont pas besoin de beaucoup. Avec le fait qu'ils savent que tu as pensé à lui, que tu as fait l'effort d'envoyer un petit peu, crois-moi, wallah, ça met. L'amour, il grandit dans le cœur, tu vois. C'est pas qu'il est opportuniste ou qu'il est intéressé. Mais il se rend compte que tu penses à lui. Et que le peu que tu peux faire, tu arrives à le faire. Alhamdoulilah. Donc ne jamais négliger et ne serait-ce que par les doigts. Et qu'Alam Tayyib. Et tu peux pas, toi, aider les frères qui sont dans les galères, dans les pays où il y a des problèmes. Tu incites les gens à le faire. Tu vois. Sans tendre la main et faire des quêtes, ce genre de choses. Donc. Et de demander de l'argent aux gens. Tu les incites, c'est tout. Hein. Comme le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Celui qui indique au bien, comme celui qui l'a fait. Donc, le Nabi sallallahu alayhi. Intercéder, vous serez récompensé. Naam. Ah donc, mais le faire de façon légiférée. Pas n'importe comment. Thuma Su'il. Il dit qu'il est connu que celui qui persiste sur les grands péchés ne sera pas éternellement dans le feu. Et cela fait partie de la croyance d'un jeu de la Sunna. Cependant, comment est-ce qu'on peut lier, joindre entre cela et la parole du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam où il dit Mudnimu khamr ka'abid waslin. Que celui, que l'alcoolique est tel l'adorateur des idoles. Hadith à Nabi Oreira. Naam. Je ne connais pas la hadith. Et il est connu que celui, on va dire l'idolâtre, d'accord, c'est un mushrik qui sera éternellement au feu. Comment lier entre cela et cela? Donc le cheikh a répondu par rapport au hadith. Cela, c'est parmi les hadiths des menaces qui sont à comprendre comme ils sont venus. Et le sens à prendre, c'est la réprimande. D'accord? Du fait de boire de l'alcool. Et la rudesse d'en faire preuve envers les alcooliques. Cela ne veut pas dire que celui qui est alcoolique sera un mouchélique. Est un monde dans le feu. Comme le kafir. Cependant, c'est un mu'min avec une foi réduite, faible. Et non pas un kafir comme le dit les Khawarij. Donc là, il y a des nusus, faut faire attention justement, min hajj al-sunati wa jama'a, et rujou' ila al-ulama, wa rasikhun fi al-ilm. Justement, quand tu prends des hadiths comme ça, tu peux tomber dans des choubouhats. Donc toujours revenir au savant. Pas interpréter de ta tête. Sinon, tu peux avoir des choses dangereuses. Naam. Et la preuve de cela, c'est « Inna Allah la yafilu un yushraka bi, wa yafilu ma dun zalika liman yasha » Que Allah ne pardonne pas ou l'associe quoi que ce soit, mais pardonne en dehors de cela qui veut. Et dit que le fait de boire de l'alcool, cela n'est pas du shirk. Donc bien sûr, on passe cela halal, on précise. Hein? Madame la yastahillu, va lisa bi shirk. Tamam? Donc en fait, ça c'était shahid de sa question. On n'a pas mis toute la question parce qu'elle est longue, après il parle de... En tout cas, lui, le hadith là est min bab al-izaj. Taïb, min bab al-izaj. Souma kol, souel, est-ce qu'on juge une personne ira au feu s'il était connu de son parcours, qu'il a été injuste envers les serviteurs, qu'il s'est moqué de l'argent d'Allah et qu'il est mort sur cela et qu'on n'a pas connu de lui de Tawbah? Et également, qu'en est-il du fait de maudire une personne désignée parmi les koufars? Comme Salen, la'anallah, fulanan, parmi les koufars. Tu nommes ma kafir, tu dis qu'Allah le maudisse. Donc il a répondu que le désobéissant parmi les muslimines, on craint pour lui du feu. Quant au fait de juger qui sera au feu, cela c'est une chose qui revient à Allah subhanahu wa ta'ala. S'il veut, il le châtiera, et s'il veut, il lui pardonnera. Tant que sa désobéissance n'est pas du shirk ou du kufr. Quant au kafir, le mushrik, s'ils meurent sur cela, alors eux seront éternellement au feu. Et quant au fait de maudire une personne, en particulier si on est un kafir, on peut maudire une catégorie de personnes, un genre de personnes, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a fait. Par exemple, Allah subhanahu wa ta'ala, il a déjà maudit les injustes, les menteurs, et ainsi de suite, dans des hadiths est venu. La'anatullah al-kadhibin, wa la zalimin, ou ghayr zalika, du mayushbi. Mais quant au fait de maudire une personne en particulier, il y a un khilaf sur les bénin ulama, lakin rajih nou mayajouz. L'inna nabi sallam kad la'ana, min mushirkin. Wa qali ta'ala, lissa laka bin amshay, ima yutubu alayhim, wa ma yu'adhibuhum, fa innum zalimun. Dans le sens où Allah, s'il veut, il leur pardonnera, ou s'il veut, il les châtiera quand ils sont injustes. Mais tu n'as rien dans l'affaire. Cela ne te revient pas dans le sens. Même. Maman t'a dit, Allah yaftah kalba. Toi tu l'as maudit pour qu'après Allah fasse que il est un muslim. Comme fait le hadith. Inna hadakum la ya'mal bi ahli an-nar. Celui parmi vous qui œuvre des gens du feu, ensuite est devancé par son livre avant sa mort et rentre aux gens, parmi, et fait partie des gens du paradis. Ou le contraire. Donc on ne sait pas sur quoi la personne va finir. Même le kafir vivant, tu ne peux le maudire. Car min ma'ani la'na sab waidan at-tard an rahmatillah. Le fait que tu sortes quelqu'un de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala yawm al-qiyamah. Thumma qal hal al-mujahir bil-ma'siyah idha taba tuqbal tawbatuh. Parce que celui qui commet des péchés apparents, son repentir sera accordé. Il dit, ne fais pas de doute que Allah accepte le repentir de tous les péchés, parmi ceux qui le font de façon apparente. Et autres. Même les koufars, s'ils font tawbah par l'islam, on parle, le fait qu'ils se convertissent à l'islam, c'est accepté. Vous voyez ? Dis à ceux qui ont mécru que s'ils cessent, qu'il leur pardonnera ce qui a déjà été fait auparavant. C'est-à-dire, le tawba ou nabibana l'islam. Comme Aleftan, l'islam, hein, l'islam efface tout ce qui a été fait auparavant. Et laisse ses bonnes actions. On le répète, trois choses effacent totalement les péchés passés, même les grands, hormis les haqqannas. Quelles sont-elles, ces trois choses? Trois choses t'effaces tous tes péchés, hormis ce qui revient au droit des gens. Là, de ton vivant, on parle. Comme la hajj. Ton hajj, il a donné quelque chose pour que ce soit valide. Quoi? Aïe, l'islam. Ce qui rentre dans l'islam, tout ce qu'il a fait auparavant, c'est effacé. Et ses bonnes actions restent. طيب ثم كما قلت الحج البر الحج كي بيان كومبلي دو فاصون بيوز سي با تو حج سو كي بيان كومبلي دو فاصون بيوز يفاس تو لي بيشي تو رفيان كوم كما ولدتك امك كوم سولي كي دون لا مير فان انفونتي ثالثيم شوز الهجره نعم دونك نورمالمون l'une des meilleures choses à faire là-dedans quand tu vois le truc, l'un des plus beaux parcours, c'est se convertir pour celui qui l'est, qui ne l'était pas. Faire la hijra et après pouvoir faire le hajj. C'est pas. Ensuite, pouvoir faire le hajj. Donc celui qui fait tout ça avec ikhlas, n'a rajout là où le khayr, le kafir. Ah, mais celui qui fait là, le hajj, qui peut partir après aussi. Taban, de faire un hajj qui t'efface tout le péché et retourner dans le péché, c'est un peu, tu vois, c'est une khassara. T'as vu ton hajj, naam, t'as vu ton wajib, ton rakn, il a été fait, mais après, t'as une garantie que le péché ne peut pas le reprendre. Donc là, il faut en sorte justement de rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala avec le moins de péché possible, faire les causes. Non, ça ne veut pas dire faire comme des gens y pensent, j'attends d'être vieux pour aller faire le hajj. Toute ma vie, je fais le faux aux arts, je fais ce que je vis ma vie, et avant de mourir, je fais le hajj. Ah ouais, tu sais quand tu vas mourir. Et qui dit qu'Allah va te wafak pour justement toute ta vie, t'as fait le faux ordre. Tu penses qu'à la fin de ta vie, tu vas te wafak pour faire un hajj bar, comme ça, nickel, à la ilm, sans faute. Là, t'as fait passer ta vie dans les ma'asi. T'as pas fait ta belle ilm, rien du tout, t'as passé ta com. Et à la fin, t'as fait un hajj qui va être comme ça ton hajj. Attention, il y a des asbab, tu fais un bon hajj bar, bien, pieux quoi, pour l'apprendre le hajj. Enfin, t'as la belle ilm. Tu vois. Et c'est pas du tout, t'as procuré le hajj. T'apprends toute ta religion à la base. Parce que t'en as, il pense ça. Je fais ma vie. À la fin, avant de mourir, je vais faire ça. Tu sais quand est-ce que tu vas mourir? Personne ne sait quand tu vas mourir. Les gens, ils ont une vision des choses. Je vais être vieux. Tu sais pas si tu vas être vieux. Tu n'as même pas fait ta phrase, risque cardiaque, tu vas tomber par terre, t'es mort. Ah, ouais. Ou tu pars, tu dis bon, on se voit tout à l'heure, tu traverses la rue, une voiture, khalas, elle t'a eu. Les causes de la mort, elles sont indénombrables. Une maladie ou un truc, n'importe quoi, et tu meurs. Et tu pars aller, ouais, je vais faire la hache dans 20 ans, 30 ans. T'as même pas fait le demi, t'es mort. T'es mort sur quoi en plus? Sur un tahrir d'une chose qu'à la base tu dois adjel. À la base, le hajj, parmi les shurut, c'est dès que tu es en mesure de le faire. Donc déjà, avec ce fixe de retarder, t'as déjà combien de péchés pour lequel on craint pour toi que ton hajj soit pas barre, justement. On craint pour toi que t'es pas le barre du hajj parce que t'es déjà parti sur une notion de quoi? De retard. De report. Alors tu peux le faire maintenant. Pourquoi t'attends? Là, t'as la force, t'as la vigueur, t'es, alhamdoulilah, t'es en bonne santé et t'as l'argent. Fais-le maintenant. Maintenant, la question, qu'est-ce qu'on condamne le hajj ou la hijra? Les ulama, généralement, disent que tu condamnes la hijra. Parce que le hajj, c'est pour le mustata qui peut partir et revenir, ce genre de choses. La hijra, c'est un wajib dans ta vie qui se peut que tu ne puisses pas refaire après. Et ta hijra, elle va préserver toute ta religion. Le hajj, c'est une partie d'un moment de ta vie. Une ibadah, après, se termine. La hijra, elle continue jusqu'à ta mort. Et il se peut qu'Allah te facilite que tu fasses ton hajj après. Mais si tu fais ton hajj maintenant, pour retourner dans les ma'as, dans le kouf, t'es pas à l'abri d'irtad, de faire une ridda, de faire un ihraf, ce genre de choses. Tu qaddames la maslaha al-kubra. C'est quoi? Al-afiya, al-salama, al-din. Ça c'est, ça domine sur le reste. Et où t'as dit, Allah yaftah alayka bi hijra wa hajj. Naam. Ah ben ceux qui font le hajj tous les ans, ils sont tout le temps en France. Ça va, on dit, ils ont pas compris eux. Ils ont pas compris. Tous les ans, Umrah, plusieurs Umrah dans l'année, chaque Ramadan, Umrah, c'est toujours en France. On dit, t'as pas compris toi. Tu vois, à part si vraiment c'est quelqu'un, tout lui est gratuit à chaque fois. Hein, si chaque Umrah elle est gratuite, il a rien à payer. Et que son hajj est gratuit, il n'a rien à payer. Et qu'il n'a pas les moyens de faire la hijra. Mais bon, déjà comme ça, franchement, je crois que c'est vraiment rare. Je sais pas si, tu vois. Les priorités ont été délaissées, on sait plus ce qui passe en premier, ce qui ne l'est pas. Donc il dit, quand le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, la tawbah, tajubbu maqablaha. Que la tawbah efface ce qui a été fait auparavant. De certains péchés. La tawbah, elle mérite des expiations. D'accord? Ça dépend du péché que tu auras commis. وقال تعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. Mes serviteurs qui ont commis beaucoup de fautes, on va dire, contre eux-mêmes, ont agi envers eux-mêmes, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah, car cet Allah pardonne toutes les fautes. Donc il dit que la vraie tauba véridique efface les péchés, tous les péchés, le shirk, le kufr, le nifaq, toutes les désobéissances, et que celui qui se repent, Allah accepte son repentir. Mais attention maintenant de se dire je fais tout et après je vais me repentir. Le repentir c'est une chose vers laquelle tu te précipites. C'est comme le hajj, c'est pas je fais des péchés et après je me repentirai. Ça c'est minallah, tawfiq minallah que tu te repentisses. Quelqu'un qui se repent c'est par Allah qui lui a accordé cela. T'as des gens ils font des péchés, ils n'arrivent pas à se repentir. Ils n'y arrivent pas. Parce que Allah il a scellé leur cœur. Et d'autres, alhamdoulilah, moins de fautes, tu vois, ils se repentent direct. Les moins forts, t'en as ils ne le sont pas. Donc déjà il faut avoir le tawfiq minallah. Parmi les causes, justement, éviter de jouer avec la religion. Une autre question. Il dit, j'ai des amis, des compagnons, et il n'y a parmi eux aucun qui ne soit pieux. Donc, qu'est-ce qu'il m'incombe de faire? Car ils disent que la visite des amis, cela est une chose qui, justement, cause engendre la joie de la personne. Et lui ouvre la poitrine, dans le sens que ça peut être une cause de leur guider. Donc il dit, le shir, avis Allah Ta'ala, il n'est pas permis aux musulmans de fréquenter les gens désobéissants. Sauf si c'est pour les conseiller et les blâmer. Et tenter de les amener vers le bon, vers la guider. Sinon, dans cela, il était obligatoire de t'éloigner d'eux. Ne les fréquente pas, ne les visite pas. Jusqu'à ce qu'ils se repentent. Qala ta'ala, fa'in tabu wa aqamu salat wa atu zaka, fa'ikhwanukum fi din. Et s'ils se repentent, qu'ils accomplissent la salat et qu'ils s'acquittent de la zaka, alors ils seront vos frères en religion. Donc on comprend de ce verset, comme il dit, que s'ils ne font pas tauba, alors ils ne sont pas vos frères en religion. Donc, on ne les fréquente pas, on ne les visite pas, si ce n'est pour en but d'une da'wa et de désirer leur guider. وهذا من الحجر. طيب هذا من الحجر. Et le hajj, ça dépend aussi des gens. T'as des gens sur qui ça fait effet, et d'autres sur qui ça ne le fait pas. Et toi, au minimum, tu préserves ta réputation, à toi. Parce que si jamais on te voit marcher avec eux, on dit t'es comme eux. Donc toi, tu les évites. Pour pas, au moins, tu dis au minimum, qu'on me dise pas que je suis comme eux. Hein? On me dit t'as quoi le shubuhat, t'as quoi le tabara, le dini ou erdi. Celui qui a craint les ambiguïtés, les choses qu'il provoque, il se préserve dans sa religion, dans son honneur. Donc attention. Aux gens que tu fréquentes. Donc il dit, question, le fait de commettre des péchés de façon extérieure, quel est le jugement de cela? Il dit, il n'est pas permis de commettre des péchés, ni apparents, ni cachés. Qala ta'ala, قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشْ مَا ظَهِرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ. Qu'Allah a dit, dans le sens qu'il il a interdit les perversions, qu'elles soient apparentes ou cachées. Il dit cependant le fait de faire les péchés de façon apparente, cela s'ajoute en mal au fait de faire un péché discrètement. C'est-à-dire, tu auras commis le péché en soi, plus le péché de l'avoir fait apparent. C'est-à-dire, ce qui fait apparent est pire que ce qui le fait caché. Donc, quand elle est kullu ummati, Mu'afin ilal mujahirin. Toute, on va dire, ma communauté est prémunie, hormis ceux qui font des péchés apparents. Car le fait de faire des péchés apparents, cela démontre l'insouciance, que la personne ne se préoccupe pas, et que cela démontre que c'est une personne qui ne marche qu'à ça. Yani al-ma'asi. Tayyib, nouasil. Après un chapitre, toujours de questions. Al-bara'u min ashab al-ma'asi. Des questions relatives par rapport aux personnes désobéissantes. Comment se désavouer d'eux? Donc il dit, est-il permis de maudire les gens des péchés et les gens injustes? Comme par exemple une personne qui est injuste, qui me lèse, je lui dis, par une parole ou par un acte, alors je le maudis. Est-ce que cela est permis ou pas? Donc lui, il dit, il ne convient pas aux musulmans qu'ils soient, qu'ils maudissent. Mais également, l'an, c'est aussi as-sabab, le fait d'insulter. Qu'il ne soit pas vulgaire, qu'il ne soit pas grossier, qu'il préserve sa langue des insultes, et que même si une personne venait à t'insulter, et également, il convient à ce que tu ne le rendes pas à l'appareil. Les qu'il l'a ta'ala, « Wa la yastawil hasanatu wa la sayya, idfa billati ahsan » que les bonnes et les mauvaises actions ne sont pas égales. Donc repousse de la meilleure des façons. Wa rabbama yakun dha allazi la'antahu la yastahiqu al-la'na wa yarji' ismuha 'alayk. Et c'est celui que tu maudisses ne mérite pas cela, que cette malédiction revienne contre toi. Par contre, pour ce qui est de ne pas répondre à une personne qui t'a parlé durement comme il t'a parlé, hadha fi jawaz, que Allah, dans le sens où il dit, n'agrée pas les mauvaises paroles à part une personne qui aurait été lésée. Que tu peux avoir des fois des paroles dures, quand même, tant que tu ne deviens pas vulgaire non plus, c'est sûr, des paroles dures envers une personne qui t'aura fait du mal. Dans ce moment-là, Allah subhanahu wa ta'ala peut agréer tes paroles. Car là, tu es dans ton haqq. Tu comprends, c'est pas dans l'absolu. Même si chez les Sahaba, c'est arrivé que certains aient des paroles dures envers d'autres. Dans leur époque, envers d'autres personnes. Les Sahaba. Ceux-là, مثلاً, Abdullah ibn Omar, sabbabna. Il a insulté son fils. Lorsqu'il a dit, la tamna'u amat Allah, masajid Allah. Que le Nabi sallam a dit, n'interdisez pas aux servants d'Allah ses masajid, ses mosquées. Et son fils, Salim, lui a dit, il a juré par Allah qu'il veut leur interdire. Donc là, Abdullah ibn Omar lui a dit, comment? Je te dis que le Prophète il a dit telle chose, et toi tu dis que je le ferai pas? Et il s'est mis à insulter de façon très violente. Il a même mis un coup sur la poitrine. Il a fait le hajj. Il n'a plus parlé et il a été dit qu'il est mort peu de temps après. Son fils, son propre fils, il l'a insulté. On ne sait pas quel thème il a employé, mais il l'a insulté. Pourquoi? Du fait que son fils a entendu un hadith et une parole qui s'oppose à ce hadith. Mais le but de son fils, ce n'était pas de s'opposer au hadith. Tu vois? C'est que lui, il craignait pour sa famille que ça aille trop loin. Donc il a préféré fermer la porte. Son but c'est jamais de s'opposer à la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu vois. Mais lui, il craignait que s'il laisse ses femmes sortir, que ça aille trop loin. Donc il a dit, moi je leur interdirai. Mais à la base, cette demande de permission, et car en plus ces conditions, tu ne peux pas leur interdire. Si elles sont bien habillées, qu'il n'y a pas de fitna, ce genre de choses, laisse y aller. Après, si après cela tu vois qu'il y a un mal qui en découle, non. Et normalement tu fais comprendre à ta femme, regarde, t'es sorti, il s'est passé ça, ça, ça, ça. Il vaut mieux que tu sortes plus. C'est très long de l'acquis, voilà. Et normalement, la femme, elle est arquée, elle comprend, elle va dire, d'accord, c'est vrai, t'as raison, je sortirai plus. C'est arrivé une femme d'un sahabi, pareil. C'est l'une des femmes de Omar ibn Khattab, radhi Allahu anhu. Elle s'était remariée avec notre sahabi. Et elle a mis comme condition qu'elle puisse aller au mosquée quand elle veut. Donc son mari lui a accordé. Et un jour, elle est sortie, elle s'est fait toucher, je crois, par quelqu'un. Après ça, elle a dit, je sortirai plus jamais. Que le mal se propage chez les gens, je ne sortirai plus jamais. Et de elle-même, quand elle a vu ce qui lui arrivait, elle ne sortirait plus jamais. Donc le chir, il appelle à justement ne pas maudire une personne en particulier, car si jamais la personne ne mérite pas cela, cela se retournera contre toi. Ensuite, une question. Et d'ici une personne a l'intention de commettre un péché, mais il ne le fait pas. Est-ce que ce péché lui sera compté quand même? Donc il dit, le chir, qu'un hadith est venu, c'est bien Abbas. Inna al-muslima iza hamma bi sayya wa lam ya'malha fa innaha tuktabu lahu hasana. Que le musulman qui compte faire une mauvaise action mais qui ne la fait pas, d'accord, elle sera comptée comme une bonne action. Et cela s'il délaisse, le shirk précise, cet acte par peur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ah, mais si il le délaisse parce qu'il n'a pas pu le faire, de l'empêchement malgré lui, là non. D'accord? Lui, il aura quand même un péché. Comme le prouve le hadith. Un autre hadith qui dit que si les deux musulmans, ils étaient comme musulmans, ils se disent qu'ils sont les kâtils ou les maktouls dans le nar. Il dit, Ya Rasulallah, c'est le kâtil, c'est le maktoul. قال إنه كان حريصا على قتل صاحبه. يعني إنما الأعمال بالنية. Si tu veux faire un péché et que tu ne peux pas le faire, tu as eu un empêchement, mais dans ton cœur tu étais déterminé à le faire, tu auras quand même mauvaise action. Comme le hadith que si les deux muslims se rencontrent avec leurs épées, les deux veulent se combattre pour des raisons non légiférées, le tuer et le tueur, les deux sont au feu. Ah bah maintenant quelqu'un veut te tuer, tu te défends, c'est autre chose. Là le hadith vise les deux qui voulaient faire du mal. D'accord ? Ah bah maintenant demain on t'attaque, tu te défends. Man kutila dun mali wa ardi wa dini wa shahid. Celui qui est tué pour ses biens, sa religion, son honneur, il se défend, c'est un shahid. Mais là le hadith vise quoi ? Deux muslims qui voulaient s'entretuer pour des raisons non légiférées. Mais toi demain tu veux faire un péché, tu veux aller, je sais pas moi, boire de l'alcool, tu vas quelque part, le bar il est fermé, tu reviens, bah t'as le péché de la nia. Dis pas, ah, j'ai pas bu, c'est bon. Non, toi t'allais le faire, seulement le bar était fermé. Donc là, c'est pas t'as laissé par peur d'Allah, c'est que t'as pas pu le faire. Mais si tu pouvais le faire, tu l'aurais fait. Et chaque pas que tu commets, que tu fais en y allant, tu prends. Et quand tu reviens aussi. Le moyen que tu emploies, hein, prendra le hukm de ton objectif. Si ton but c'est de faire du mal, et bien chaque chose que tu auras mené sera interdite pour toi. Et chaque pas que tu auras fait, même ta voiture, ton vélo ou ce que tu veux, tu auras commis pour pouvoir, tu auras pris pour pouvoir commettre ce péché, seront comptés contre toi. Et le contraire kazalik, tu prends un moyen pour faire du khayr et ça comptait comme un bien pour toi. Même s'il est moubah à la finale, à la base. خلاص نكتفي بهذا اليوم. عندك سؤال؟ لا؟ طيب. ونقول الحمد لله رب العالمين. مع تحية دمام افاق.com.